pour s'allumer un peu, pour s'aérer la tête et deviner pourquoi, avant qu'on soit ici, nos ancêtres déjà avaient compris la vie. Y a bien plus malheureux et revoir à la baisse toutes nos exigences qui occupent nos têtes, parfois sans qu'on y pense. À quoi bon entendre que j'ai solution. En passant, faudrait ouvrir un peu son cœur, voir tout autour de nous et donner du bonheur et apprendre qu'ici-bas on n'est que peu de choses et que si on ne fait rien, notre cœur il explose. Faudrait fermer un peu la porte afin que nos démons plus jamais ne sortent et écrire de nouveau sur une page blanche pour évoluer un peu et faire tourner la chance. La solution.